une crotte de nez dans ton nez. Et là, depuis plusieurs mois, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Vas-tu la laisser là, la crotte de nez? Vas-tu l'enlever, cette crotte de nez? Avec un mouchoir, c'est facile. Tu le mets sur ton nez et tu souffles par le nez. Et la crotte de nez sort et est pris dans le mouchoir. Et tu jettes le mouchoir dans la peau.